le pauvre grelet, allongea 5 ou 6 tapes à droite ou gauche, mais tout cela ne servit qu'à attirer l'attention de son côté. Et parlant à Landry, il y en eut qui dirent « Elle t'a donc jeté un sort, mon pauvre Landry, que tu ne regardes qu'elle. Ou bien, c'est que tu veux passer sorcier, et que bientôt, nous te verrons mener les loups au champ. » Landry fut mortifié, mais Sylvine, qui ne voyait rien de plus excellent et plus estimable que son frère, le fut encore davantage de voir qu'il se donnait en risée à tout le monde. La Madelon y mêla son mot. « Que voulez-vous » dit-elle. « Landry est encore un petit enfant, et à son âge, pourvu qu'on trouve à qui parler, on ne regarde pas si c'est une tête de chèvre ou une figure chrétienne. » Sylvine prit alors Landry par le bras en lui disant tout bas « Allons-nous-en, frère, ou bien il faudra nous fâcher. J'ai toujours dit que tu aimais trop la danse et que cela te ferait faire des choses sans raison. » Landry le suivit 2 ou 3 pas, mais il se retourna et vit la petite fadette décoiffée d'un coup de poing. Elle n'avait rien dit, qu'il lui méritait d'être tant maltraitée. Elle pleurait de rage, sans pouvoir attraper sa coiffe qu'un méchant galopin emportait au bout d'un bâton. Landry trouva la chose bien mauvaise, et, son bon cœur se soulevant contre l'injustice, il attrapa le gamin, lui ôta la coiffe et le bâton, dont il lui appliqua un bon coup dans le derrière, revint au milieu des autres, qu'il mit en fuite, rien de se montrer, et, prenant le pauvre grelet par la main, il lui rendit sa coiffure. La vivacité de Landry et la peur des gamins firent grandement rire les assistants. On applaudissait Landry. Landry avait perdu sa honte. Il se tenait brave et fort, et un je ne sais quoi de l'homme fait lui disait qu'il remplissait son devoir en ne laissant pas maltraiter une femme, laide ou belle, petite ou grande, qu'il avait prise pour sa danseuse, au vu et au su de tout le monde. Et il alla tout droit vis-à-vis des cavaliers de la Madelon en leur disant « Eh bien, vous autres, qu'est-ce que vous avez à dire? S'il me convient à moi de donner attention à cette fille-là, en quoi cela vous offensait-il? On a dit par ici que j'étais encore un petit enfant, mais il n'y a pas par ici un homme ou seulement un grand garçon qui me l'ait dit en face. J'attends qu'on me parle, et nous verrons si l'on molestera la fille que ce petit enfant fait danser. » Sylvine se tenait tout près de le soutenir. Landry, qui n'avait point lâché la main de la fadette, lui dit « Mais vite ton coiffage, Fanchon, et dansons, pour que je vois si on viendra te l'ôter. » « Non, » dit la petite fadette en essuyant ses larmes, « j'ai assez dansé pour aujourd'hui, et je te tiens quitte du reste. »« Non pas, non pas, il faut danser encore, » dit Landry, qui était tout en feu de courage et de fierté. « Il ne sera pas dit que tu ne puisses pas danser avec moi sans être insulté. » Il la fit danser encore, et personne ne lui adressa un mot, ni regarde travers. Après cette bourrée, la petite fadette dit tout bas à Landry, « À présent, c'est assez, Landry, je suis content de toi, et je te rends ta parole. » Je retourne à la maison. Danse avec qui tu voudras ce soir. » Elle s'en alla reprendre son petit frère, qui se battait avec les autres enfants, et s'en alla si vite que Landry ne vit pas seulement par où elle se retirait.